Écoute, c'est la haine qui nous inspire. Dans mon département, quand tu y rentres, y'a plus moyen d'en sortir. Ici peut sentir la prison mieux. Parfois c'est pire. Que faire quand tu vois pas se dessiner devant toi un avenir pour tous ceux que j'aime? Je croise les doigts pour qu'ils aient des jours meilleurs. En attendant, faut qu'on sorte nos armes de guerre. L'expression, ils nous enlèveront pas. Et même si ça passe pas à la radio, c'est pas grave. Chez nous, on n'écoute pas. Sans cette pointe grave, un obus pour les poucaves, les keufs, les présidents. Allez niquer vos mères. Et si on a trop les nerfs, c'est parce qu'on boit la tasse. La vie nous pousse à bout. Ils veulent nous voir six pieds sous terre. Afin d'abaisser le taux de misère, une catastrophe nucléaire. Un Tchernobyl pour camoufler une histoire meurtrière. Mais on n'est pas débile. Le sida mis au monde pour éradiquer l'Afrique. Trop de pays plein de richesses. Et un peuple qui meurt de faim. Leur président des catins, c'est eux qui s'en mettent plein les poches. On leur donne pas à manger, mais des armes pour qu'ils se butent entre eux. C'est malheureux de voir ça, ça fait mal au cœur. Ces gosses qui apprennent la guerre avant de savoir lire. À 6 ans, une calage dans les mains. Triste destin qu'on n'arrangera plus. Marqué à vie par la mort de leurs parents. Et même ici, trop de frères partent en vrille. Cette vie nous rend hostile. On ne tient qu'à un fil. On galère pour se bâtir un empire, mais en 5 minutes, tu peux tout perdre. Comment veux-tu t'insérer dans ce monde quand tu veux pas vivre d'un salaire minable? Alors ça dit le braque pour mieux passer à table. Et même comme ça, parfois on pète des câbles. Nos rêves, une vie impeccable, une vie rentable. Et même si demain je meurs, au moins j'aurai dit ce que j'ai sur le cœur. Le rap, un moyen de parler plus fort, c'est sûr, t'en finiras pas doyen, même en faisant des efforts. Je souhaite à personne la mort, mais c'est le meilleur moyen d'arrêter de souffrir, même si on fait l'effort. On n'a pas un cœur de pierre dans mon cerveau, en deuil tous les jours. Je fais plus d'efforts pour m'insérer dans ce monde, même plus envie d'enfant, d'une famille. Car rien ne va en s'arrangeant, repense à nos parents, comment ils ont galéré pour nous élever. Ce serait dérangeant de pas pouvoir leur donner ce qu'ils veulent. J'imagine au supermarché, ton gamin en train de réclamer un jeu, et toi même pas de quoi lui acheter. La société nous pousse à consommer, trop de pubs à la télé, la vitrine de l'envie. Ils ont pas honte, tout est calculé pour nous couler.